Moment sympa auprès de la mer. La mer. Moment sympa auprès de la mer. La mer. La mer. La mer. Bye.